Je te chante la vie quand il y a trop de soleil. Je te cours un peu quand il y a trop de pluie. J'ai beau me dire que jamais tu partiras, il y a toujours un jour où on se quitte. J'ai pas.